meilleur, allons marcher ou courir dans la ville, dans les bras, pour le meilleur, au pire, pour le pire, yeah yeah yeah. Alors allons chanter, sourire toute la nuit, délirer, pour le meilleur, au pire, pour le pire, yeah yeah yeah. Les étoiles qui scintillent, qui brillent dans le fond de nos yeux.